en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Salut, c'est Philippe dans British Connection. Je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier bouquin qui est sur le groupe de Rennes, Marquis de Sade. Marquis de Sade, comment ai-je découvert ce groupe ? De mémoire, c'est un article de Best que j'achetais épisodiquement qui m'a attiré vers cette formation. Envie de découvrir, j'ai 15-16 ans et l'argent du mois qui passe dans l'achat de Rulciam, qui était le seul disponible ce jour-là à la Fnac. Chanson après chanson, c'est une véritable claque. Et puis ce son, il me caresse l'oreille. Je ne savais pas encore que le groupe n'existait plus, je l'ai appris que plus tard, et donc je n'ai jamais vu Marquis de Sade en concert. Du moins, pas à cette époque. Après la claque Rulciam, il me fallait avoir le premier, et donc je me mets en quête du premier album Dancing Twist. Je le trouve enfin, avec un autocollant un peu ridicule, Motorock, dessus. Je voyais pas ce que ça avait à voir avec la moto, mais enfin bon, peu importe. J'achète ce Dancing Twist à la pochette rouge, au dessin, au trait, un petit peu sombre comme ça. Je connais pas Egon Schiele encore à cette époque-là. Ma culture est à faire, et Marquis de Sade va faire partie de ces groupes qui vont faire aussi ma culture en dehors de la musique et en dehors du rock. Et j'achète ce disque, je rentre chez moi, et le premier morceau, Set in Motion's Memories, c'est la stupéfaction. Ça ne sonne pas du tout comme le premier que j'ai acheté, qui est en fait le second. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus âpre. Et morceau après morceau, on a ce son qui est dur, on a ce son qui est très très sec, on a cette voix qui est encore plus tendue que dans le deuxième album. Et au début, je comprends pas ce qui se passe, et je me dis, mais c'est pas le même groupe, c'est pas la même chose. Et Dancing Twist a beaucoup plus de mal à me convaincre, a beaucoup plus de mal à entrer en moi et à faire en sorte que cette musique littéralement m'envahissent. Ça va prendre quelques temps, mais peu à peu, Dancing Twist va faire aussi son affaire et va aussi devenir un de mes albums cultes. J'apprends les paroles par cœur, les mots m'interpellent, des noms m'interpellent. Qui sont ces Clint, qui sont tous ces gens dont on parle, qu'est-ce que ça veut dire que Rank Xerox a servi les couleurs résistantes, c'est des mots qui sont mêlés comme ça et qui ont une certaine poésie que je connais à peine mais que je commence à caresser. Et forcément, il y a quelque chose qui se passe chez le jeune adolescent. J'ai 15-16 ans à cette époque-là, 17 ans peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler comme ça. J'ai écouté Téléphone, bien sûr, j'ai écouté les paroles de Téléphone qui m'ont touché d'une autre manière, les paroles de Trust, avec ses antisociales évidemment, et cette espèce de brutalité contre la société, mais Philippe Pascal me parle autrement. Et cet autrement, c'est ce qui va faire pour moi toute la magie du groupe, et c'est ce qui va faire que, à partir de là, je n'aurai de cesse que d'avoir envie d'en savoir un peu plus sur ces musiciens. J'ai choisi comme première chanson de vous faire écouter Skin Disease, un extrait du premier album Dancing Twist. British Connection, just rock, just rock. Now l'idée d'écrire sur Marquis de Sade remonte à 2009. Puis je laisse un peu le temps passer, mais en 2012 quand même j'essaye de joindre Philippe Pascal. On me décrit un homme taciturne, errant dans les rues de Rennes, le cheveu noir corbeau, c'est pas très encourageant. Pourtant en cherchant bien, je tombe sur la page du Blue Train Choir, et là il y a un nom, Édouard Jean Dupressoir. J'écris, il répond. Et c'est par lui que le lien s'établit. Il ne me restait plus qu'à écrire. Les premiers échanges se font par courriel et trahissent à la fois une envie de la part de Philippe et la crainte de réveiller le passé. Dans l'un de ses messages, il admet même qu'il n'a pas encore pris connaissance de mes questions. Mais quoi qu'il en soit, après quelques échanges, un rendez-vous est pris. Je le rencontre, à Rennes, dans son bureau, le sous-sol de la pharmacie qui est tenue par Claire, son épouse. Nous nous rendons ensuite dans un bar près de la Maison de la Culture, bar qui est le seul à accepter, à l'époque, qu'il vapote à l'intérieur. Et au cours de la conversation, s'il me dit que son regard sur ce passé musical est désormais serein, il me dit aussi « Je n'ai plus envie de parler de ça. En fait, c'est ta peau qu'on met sur la table. C'est Céline qui parlait de ça, me dit-il. La création, c'est la peau qu'on met sur la table à chaque fois. Et remuer tout ça, c'est dur, vraiment dur, me dit-il. » Pourtant, ce jour-là, il a joué le jeu. Il va livrer des choses qui ont déjà été dites, qui sont connues, et d'autres plus intimes. Plus de 3 heures d'entretien à parler de musique, de Marquis de Sade, de Marc Seberg, et puis aussi un peu de la vie. À la fin de l'entrevue, il m'invite à repasser le voir le lendemain, matin, à la pharmacie, et j'y retourne et là on fait quelques photos que je garde aujourd'hui précieusement. Le contact avec Franck Darcel se fait autrement. En 2009, justement, j'écoute l'été cette chanson d'Étienne Dao et je me dis que l'accompagnement à la guitare, c'est vraiment tout à fait le jeu typique de Darcel et qu'on dirait du Marquis de Sade chanté par Dao. La réponse est plus que brève, mais elle établit le contact. Mais pour le rencontrer, il faut que j'attende encore quelques années. C'est en 2015 que je le rencontre parce que le hasard nous réunit lors d'un salon du livre auquel j'étais invité pour évoquer mes ouvrages. Je ne sais plus trop lesquels, mais enfin des ouvrages parus au mot « Il reste » également. Le festival s'appelait le Petit Festival des Livres en Musique et se déroulait à Guidel, du côté de Lorient. On me demande aussi de faire partie de la table ronde avec lui et donc on a une discussion qui s'engage comme ça devant les gens et après je lui demande un entretien et là aussi Franck a livré 2-3 petites choses. Il essayait en 2015 de reformer Marquis de Sade déjà. Avec Franck, on a continué un petit peu à échanger, surtout par Messenger. Franck, je ne l'ai vu qu'une fois alors que Philippe, j'ai pu le rencontrer plusieurs fois. Et puis, évidemment, sont arrivés ces 2 matins sombres, le premier en 2019 et le second en 2024. Et là, je n'avais toujours pas écrit le livre. Le morceau qu'on va écouter maintenant est tiré de Rue de Siam et il s'appelle Silent World. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Lives growing dark, the colors are dark. make out your laughter? Could I laugh with you? I just want to touch your eyes. I only want to touch your smile. Oh, just your smile. Your eyes, give me your eyes. Restore to me the colors I'm missing. Your lips, lend me your lips. Discover something next to my screen. The silence is drawing closer and closer. I wanna die just for a while. Could I make out your laugh? L'aventure en fait avec Marc Itsad remonte vraiment au début des années 2000, puisqu'avant même d'avoir l'idée du livre, comme je suis prof et que je suis chargé des pratiques instrumentales à l'université Bourgogne-Europe, j'ai eu l'idée de reprendre Dancing Twist avec des étudiants. Et donc on a travaillé cet album dans son intégralité et on l'a donné sur scène en concert à une époque où beaucoup ne connaissaient plus ou n'avaient même pas connaissance de l'existence de ce groupe. C'était un tout petit peu particulier comme concert, on avait eu très très peu de temps pour répéter, peu de temps pour la balance et on avait joué tout à l'énergie, une énergie un petit peu punk comme ça, cet album dont j'avais eu la prétention d'être le chanteur. Mais il faut quand même saluer l'exploit de Patrice Poche qui, lui, a réussi à faire ce que personne ne croyait possible. Réunir Marc Itsad et les faire jouer à nouveau sur scène. Avec ce concert qui était prévu pour être seul et unique, une sorte de one-shot magique. Et j'étais là, à Rennes, ce 16 septembre 2017. Au milieu d'anonymes ou de gens plus connus, j'étais accoudé à la scène face à Xavier Géronimi, qui était le deuxième guitariste de ces trois formations, avec Philippe qui était là à 2 ou 3 mètres de moi, et puis Franck de l'autre côté de la scène, un peu plus loin. Évidemment, Thierry Alexandre, un peu dans le fond aussi, Éric Morinière. Et quelle magie de voir tous ces gens qui m'avaient, depuis 35, 40 ans, me faisaient rêver en fait. Et ces deux disques magiques avec ce groupe que je n'avais jamais pu voir. D'ailleurs, dans la salle, beaucoup de gens connus se pressaient. J'ai pu croiser Dominique A, j'ai croisé Étienne Dao. Tous ces gens-là étaient là ce jour de cette reformation. Et c'était un moment tout à fait magique. Personne à ce moment-là ne croyait qu'une tournée allait suivre, ou plutôt une tournée, de voir encore Marc Itsad dans divers festivals. Et j'aurais pu aller les voir à Lyon, au Théâtre Romain de Fourvière, et puis pour des raisons diverses, je n'ai pas pu. Donc finalement, je n'aurais vu Marc Itsad qu'une seule et unique fois dans mon existence en concert. Et puis donc, 2019, le décès de Philippe, alors qu'un troisième album studio était en préparation, et derrière, l'envie pour ceux qui restaient de poursuivre l'aventure. De poursuivre l'aventure et de s'appeler Marquis, et de sortir un premier album dans lequel allaient être invités un certain nombre de chanteurs, un certain nombre de personnalités qui ont pu côtoyer de près ou de loin, mais surtout de près, l'histoire de Marquis de Sade, l'histoire de Franck Darcel et l'histoire de Philippe Pascal. Et c'est pour cette raison que, pour terminer cette émission dans British Connection, j'ai décidé non pas de vous faire écouter un morceau de Marquis de Sade, mais un morceau de Marquis, parce que ce titre, qui s'appelle « Je n'écrirai plus si souvent », dont les paroles sont de Étienne Dao, résonne finalement, quand on les écoute bien, comme un hommage à la fois à Philippe, pour lequel il était écrit, et puis aussi à Franck. « Je n'écrirai plus si souvent » de Marquis. Voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombres familières. Je serai debout et face au vent, pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, raptures. Face au vent.